passé, mais la pensée au père est sanglant. Observe la plaie à penser qui s'opère mais sans gants. Enfant et ado, je la triture les deux mains dedans. Un cadeau empoisonné qui me torture encore maintenant. Pourtant je t'assure, je l'ai pas laissé faire. J'ai fait le nécessaire, supportant le mal mais sans aimer ses airs. Libre, un jour oui, peut-être accompli. Mais tant que ça se complique, je lâche rien. C'est bon t'as compris, à cette époque ça tournait pas rond, c'était pas marrant. Absence du daron, j'explose donc il se porte garant. Quand le chétan s'immisce, bon c'est l'alchimiste. Travaille la poudre comme la paye sur les pétales d'iris. À cette pétasse frigide, cette vie morbide qui t'orbite. J't'emmerde, première case, Lady. Reste à ta place, Lady. Crois-toi, t'es digne, allez, ferme-la et arrête avant que j'entache mes rimes. Seul en marche des rives et loin au large des rives. J'coulais des douillots réveillés là, j'en crache des litres. Vas-y, dégage, débile. Barbare, j'débite. Échec scolaire, excès de colère. Putain de classe élite. Tout, j'me satellise et ah ouais, ça le délire. Pour se défoncer sans cesse, dès qu'ils se brassent, dès qu'ils. Que j't'embrasse, dès qu'ils. Moi, j'veux que tu partes, tu me quittes. J'regrette déjà de te recroiser dans un bar stupide. Ça pique à temps, il faudrait que je me calme. Ma rage, ça fait 20 ans que je l'enferme dans une cage. Faut comprendre que ça pète, je relâche la bête noire. Tu veux voir ma peine, voilà comment je l'appelle moi. La naissance d'un monstre, acte involontaire. Dans l'indécence d'un monde qui frappe à long terme. Comme un coup de bite de mon fils de pute. Juste un coup de fil qu'on se retrouve que je puisse leur perdre.